Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Robert Houdin, un sorcier blanc en Algérie. De son vrai nom, il s'appelait Jean-Eugène Robert. Mais pour la scène et pour l'éternité, il est Robert Houdin, le plus grand illusionniste français, considéré encore aujourd'hui comme le père de la magie moderne. D'abord horloger comme son père, il se passionne pour les inventions et les créations d'automates. Mais en 1844, Robert Houdin se lance dans ce qu'il considère comme sa vraie vocation, la magie. Un pari risqué mais qui se révèle payant. Dès 1845, dans le petit théâtre qu'il ouvre rue de Valois, à côté du Palais Royal à Paris, la foule se presse aux soirées fantastiques de Robert Houdin. Comment ne pas être fasciné par les automates magiques et les tours qu'il invente, aux noms évocateurs, l'oranger merveilleux, la bouteille inépuisable, le coffre transparent ou le voltigeur au trapèze. Même le roi Louis-Philippe et à Londres la reine Victoria succombent à la magie de Robert Houdin. Mais en 1856, alors que célèbre et richissime, il a pris sa retraite, Robert Houdin va vivre une nouvelle aventure pour le moins insolite. Le gouvernement français le missionne pour une tournée en Algérie dans le but de pacifier les derniers rebelles à la colonisation, quand la magie sert à faire la guerre. France Inter, Stéphanie Duncan. Autant en emporte l'histoire. Bonsoir François Bost. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, spécialiste de géographie économique et de géopolitique. Mais diable, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Mais vous êtes aussi un spécialiste de l'histoire de la magie et même un magicien amateur, m'a-t-on dit. Et il existe donc une histoire de la magie? Et oui, il y a une histoire de la magie qui est tout à fait passionnante. Alors, je la fais pour mon plaisir, évidemment. La magie, vous-même. Oui, oui. Ben, ça fait, écoutez, j'ai fait le calcul, ça fait 50 ans, c'était depuis l'été dernier, vous voyez. Donc, c'était un démon. Mais avec l'âge, eh ben, on finit par s'intéresser à l'histoire d'une discipline, et c'est le cas, qui est d'une richesse incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte que sur le plan académique, pas grand-chose avait été fait. Mais oui. Et en fait, c'est un magnifique marqueur, un révélateur d'histoire sociale, d'histoire des mentalités, d'histoire culturelle, religieuse. On peut analyser à travers le filtre de l'illusionnisme, de la prestidigitation, enfin, ah, toute c'est une quoi, série parce de qu'il termes. Y a plein de mots qui apparaissent. Mais magicien, oui, a... prestidigitation, illusionniste. J'ai même découvert le mot de escamotage. On appelait les escamoteurs. Oui, à l'époque médiévale, même jusqu'au 19e siècle, on parlait des escamoteurs, notamment dans la rue, hein, qui faisaient des tours de gobelets, notamment. Initialement, c'était sur le Pont Neuf à Paris, mais c'était dans les foires, dans les lieux passants. Et en fait, on a manqué d'un nom pour parler de la prestidigitation, on manquait d'un terme. Et par exemple, au XVIIIe siècle, on parlait de professeur de physique ou de mathématiques, et il y avait une ambiguïté, évidemment, par rapport aux sciences. Il a fallu attendre 1819 pour qu'apparaisse le terme de prestidigitation qui levait l'équivoque. Et on a pu donc parler des prestidigitateurs. C'est-à-dire qu'on se séparait de l'aspect surnaturel. Ah, complètement. Hein. Mais d'ailleurs, dès le XVIIIe siècle, on s'en était déjà séparé. On était sous le patronage des sciences. Donc, on avait déjà une image beaucoup plus respectable. Mais il y avait toujours une magie dans la rue qui n'était pas très bien considérée. Mais il y avait déjà une magie sur la scène, sur les scènes des théâtres, qui était vue tout à fait comme un divertissement. Alors, en 1856, quand débute notre histoire, dans un instant, Robert Houdin a 51 ans déjà, il est déjà une star avec une carrière derrière lui. Par quel chemin, par quel hasard aussi, ce fils d'une longue lignée d'horlogers de Blois est-il devenu magicien? Eh bien, écoutez, il l'a découvert comme plein de gens. Comme vous. Oui, un peu par hasard. Il l'a découvert un peu sur le tard, il était déjà presque jeune homme. En fait, il le raconte très bien dans, non pas ses mémoires, mais dans Les Confidences d'un prestidigitateur, qui est un livre exceptionnel, qui est très remarquable. Il écrit très bien aussi. Hein. Et en fait, c'est pas vraiment une autobiographie, il y a une partie aussi un peu romancée, mais tout est bien raconté. En fait, par hasard, il tombe sur un ouvrage qui devait être un traité d'horlogerie et qui s'est révélé être une quintessence de tous les ouvrages du XVIIIe siècle sur les amusements des sciences. Il découvre, en fait, ce qui était l'art de l'escamotage, la manipulation d'objets, de cartes, notamment. Il va se passionner, il va voir le lien qu'il peut faire avec sa passion pour la mécanique, parce qu'au-delà de l'horlogerie, c'est fondamentalement la mécanique qui l'intéresse. Et il va développer une connaissance hors norme dans ce domaine. Donc, c'est vraiment quelqu'un de tous les superlatifs. Vous avez dit très joliment que c'était le plus grand illusionniste français, hein, ça c'est clair, mais bien au-delà. Je pense que dans l'histoire de la magie mondiale, il est sans doute tout en haut du Panthéon, c'est une évidence. Il a tellement révolutionné cet art. Son art, c'est à la fois de la magie ou faire disparaître des objets, des choses comme tout ça, et en même temps avoir des automates sur scène, bien c'est sûr. Ça Alors c'est l'ancienne tradition du XVIIIe siècle. Donc c'était beaucoup d'automates truqués notamment, mais c'est pas que ça. Il a vraiment renouvelé une bonne partie du répertoire en inventant évidemment des effets à l'aune de toutes les techniques de l'époque, et notamment il s'est passionné pour l'application de l'électricité. Alors il l'a fait dans l'horlogerie, parce qu'il a été un des pionniers, notamment de l'horlogerie électrique, parce qu'il a déposé énormément de brevets. Alors il faut dire une chose, c'est qu'on le connaît comme illusionniste, fondamentalement, mais il est tout autant innovateur, créateur, inventeur. Il a déposé une vingtaine de brevets, donc il coche absolument toutes les cases. Et à quoi ressemblent ces spectacles, brièvement Alors, on est dans un petit théâtre magnifique d'à peu près 120 places. Le public est très mondain, très bourgeois. On vient là pour du divertissement. Et il a un répertoire, on va dire, très étudié, avec un boniment, un texte d'accompagnement de absolument délicieux. Est-ce qu'il a le haut de forme, avec la baguette magique Alors, à la main? Oui, il l'a bien sûr. En fait, il est en homme du monde. Il vous reçoit en frac, hein, notamment. Il a vraiment imposé cette figure. Mais vous savez, quand on regarde les musiciens de l'époque, il est exactement sur le même modèle. Il est très charmant, élégant. Il a un grand charisme, il parle extrêmement bien. Et on peut comprendre qu'il ait été reconnu et adulé. Hein. François Bost, je vous propose de poursuivre cette discussion tout à l'heure. Tout de suite, Robert Houdin, un sorcier blanc en Algérie, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Cédric Ossire. Jamais je ne me lasserai de rester au lit le matin. Disposé à son gré de son emploi du temps. Voilà bien un des plus grands luxes de l'existence. Mais c'est que je commence à avoir faim. Quelle heure est-il? Eugène, tu oublies toujours que dans cette maison, c'est toi qui décides de l'heure. Je vais avancer la pendule d'une demi-heure pour que la cuisinière prépare plutôt le petit déjeuner. Quand on a l'estomac dans les talons, comme moi, c'est un stratagème assez efficace. Françoise n'est pas dupe, je crois. L'autre jour, elle m'a dit d'un air soupçonneux « Monsieur, le temps passe bien vite ici. » Hélas, je ne peux pas encore changer l'heure depuis mon lit. Tiens, voilà qui serait une belle invention. Un commutateur unique, situé sur ma table de chevet, qui actionnerait en même temps tous les cadrans de la maison. Il faut que je m'approche là-dessus. Juin 1856, Robert Houdin, le magicien le plus célèbre d'Europe, s'est retiré de la scène depuis bientôt 3 ans. Mais cette nouvelle période de sa vie n'a rien d'une retraite oisive. Ce touche-à-tout de génie se consacre désormais à son autre passion, la recherche scientifique. Dans sa maison du Prieuré, près de Blois, il met au point d'ingénieux appareils électriques qui en font la première maison intelligente avant la lettre. À cette époque, l'électricité connaît un développement considérable dans l'industrie, mais encore très peu dans le cadre domestique. Mais le 21 juin 1856, une lettre venue de loin va arracher Robert Houdin à sa paisible retraite. Bonjour Jean. Bonjour monsieur. Vos roses sont magnifiques Jean. Dites-moi, faites bien attention à la température de la serre. Le thermomètre est descendu bien bas la nuit dernière. Les orangers vont finir par geler. Bien, monsieur. Comme vous savez, à chaque fois que la température baisse de 3 degrés, une petite sonnerie électrique se fait entendre dans la maison. Cette nuit, elle a réveillé les enfants, et leur mère a eu le plus grand mal à les faire se rendormir. Pardon, monsieur, j'oublie parfois que monsieur est un peu sorcier. J'aimerais tant. Mais je ne suis qu'un honnête bourgeois qui se mêle de science. Dites-moi, à propos de sorcier, avez-vous trouvé celui qui a sonné à la porte comme un damné hier ? Oh oui, oh, j'en ai une bien bonne à raconter à monsieur. Je vous écoute. C'est un gars du coin, je le connais, un véritable idiot. On lui a dit que la porte de monsieur s'ouvrait toute seule devant les visiteurs. Et il est venu tranquillement essayer. Il s'y est bien pris au moins 10 fois. Quand je l'ai pris sur le fait, il m'a dit qu'il voulait vérifier si la maison magique fonctionnait. Et vous l'avez sermonné, j'espère. Non, j'ai fait mieux que ça. Je lui ai dit que je comprenais fort bien son besoin de s'instruire et je l'ai laissé tranquille. Mais le soir, je me suis rendu vers minuit chez lui et je me suis suspendu à sa sonnette de toutes mes forces. Il est apparu à la fenêtre, hors de lui. « Qu'est-ce qui vous prend de sonner chez les gens à cette heure ?» Alors je lui ai dit « Pardonnez-moi, je voulais vérifier si votre sonnette fonctionnait. » Bravo Jean, il s'en souviendra. Ah, tiens, en parlant de sonnette, voilà les journaux du matin. Encore ? Cette fois-ci, c'est une lettre. Olympe ! Oui, Eugène ? Veux-tu aller chercher la lettre qui vient d'arriver au courrier ? Oui, j'arrive. Je vais aller régler la température de la serre, monsieur. Merci, Jean. Ah, et pas trop chaud, hein, sinon les géraniums vont griller. Oui, monsieur. Voilà. Merci. Bonjour, tout de même. Bonjour, ma chère. Oh. Qu'est-ce donc ? Rien d'important. Je croyais que c'était des touches. Ça fait bientôt un mois que nous attendons des nouvelles de notre projet de pendule populaire. Et si ce n'est des touches qui t'écrit, qui est-ce ? Ces messieurs de l'académie n'ont pas l'air emballés. Pourtant, n'est-ce pas une idée merveilleuse que de fabriquer une pendule accessible au plus grand nombre ? Et qui demande tellement peu d'entretien, Olympe. Il suffit simplement d'ajouter chaque semaine des cristaux de sulfate de cuivre à la pile. Donne-moi la lettre. Mais Eugène, l'as-tu lu en entier ? Pas besoin, c'est encore ce colonel de Neveu qui m'invite à venir jouer en Algérie. Je lui ai déjà dit non 2 fois. Mais il insiste. Voilà bien les militaires. Il doit avoir de bonnes raisons d'insister. Olympe, ça fait 3 ans que je ne fais plus de magie. Et puis, tu me vois traverser la Méditerranée pour donner un spectacle. Moi qui suis malade comme un chien en bateau. Mais lis donc la lettre. Il dit que Napoléon III en personne insiste pour que tu viennes. Ne veux-tu pas saisir cette chance d'être utile à ton pays ? Je suis bien plus utile ici, crois-moi. Avec le cadran que j'ai installé au fronton de la maison, je donne l'heure à toute la vallée. Les politiques veulent construire des chemins de fer à tout va, mais sans fournir une heure unique à leurs concitoyens. Tu ne trouves pas ça extraordinaire ? Il écrit que seul un grand magicien comme toi peut l'aider à combattre l'influence des marabouts sur la population. Mais je ne suis plus magicien, Olympe. J'ai vendu mon théâtre, cédé mes automates. Tout cela est derrière moi. Et puis comment veux-tu combattre quoi que ce soit par la magie ? Ça n'a pas de sens. Parce que la seule chose à opposer à la superstition, c'est la science. Ces marabouts font des tours de passe-passe pour impressionner des faibles d'esprit. Ta magie, c'est tout le contraire. Elle fait illusion, mais c'est pour élever l'esprit et le libérer. Précisément, Olympe. Ils ne veulent pas élever l'esprit des indigènes. Ils veulent leur faire croire que je serai une sorte de mage blanc plus puissant que les autres. Ils veulent faire de moi le complice d'une grossière supercherie. Tu n'as pas tort, mais c'est pour une bonne cause. Il s'agit d'aider l'armée française à pacifier ce pays plutôt que de continuer une guérilla sanglante. Si tu acceptes, peut-être vas-tu sauver des vies. Comme tu es forte. Tu ferais changer d'avis l'empereur en personne. Mais même si j'acceptais, je ne suis pas sûr de pouvoir honorer cette mission. J'ai perdu la main, Olympe. Le colonel t'invite pour le mois de septembre. Ça te laisse l'été pour t'entraîner. Mais, et toi ? Et les enfants ? Eh bien, nous attendrons ton retour. Non. Non. J'irai là-bas seulement si tu m'accompagnes. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet ? Ah, je ne trouve plus la lettre, hein ? Je l'avais mise dans ma poche. Dis-moi où tu veux la retrouver. Arrête. Rends-moi la lettre. Allez, dis un endroit. Je sais pas, moi. Sur le clocher de l'église de Saint-Gervais. Très bien. Elle y est. J'y vais. Ne te fatigue pas. Eugène. Je crois qu'il n'y a pas qu'en Algérie qu'il y a des faibles d'esprit. Le 16 septembre 1856, Robert Houdin et Olympe embarquent pour l'Algérie. 3 jours plus tard, ils arrivent dans ce territoire français pas tout à fait pacifié. En effet, si la conquête militaire commencée en 1830 est quasiment terminée, les autorités coloniales redoutent des mouvements de résistance locaux. Les confréries musulmanes tiennent en effet un discours hostile à l'occupant qu'elles diffusent par l'intermédiaire des marabouts. La population vénère ces chefs religieux qui assoient leur autorité en effectuant toutes sortes de miracles. Le colonel de Neveu est le chef du bureau arabe de l'Algérie. Cet érudit, qui parle parfaitement l'arabe, est marié à une kabyle, chose rare parmi les officiers. En invitant Robert Houdin, ce militaire atypique a surpris sa hiérarchie, qui juge cette démarche extravagante et risquée. Risquée, car si Robert Houdin échoue, c'est toute l'armée française qui sera ridiculisée. Pour l'heure, le couple de visiteurs est conduit à l'hôtel d'Orient, d'où la vue splendide sur la baie d'Alger achève de les éblouir. Pour les accueillir, le colonel de Neveu doit les emmener dîner en ville. Je pourrais passer la soirée à sentir ces orangers. Ah, oui. Ça me rappelle le parfum qui remplissait le théâtre quand je faisais apparaître mon oranger merveilleux. Ah bon ? Mais je croyais que c'était un automate. Oui, mais les fruits que je faisais pousser dessus étaient bien réels. Demande aux enfants du public qui en mangeaient tous les soirs. À ce propos, je meurs de faim. J'espère que le colonel ne va pas tarder. Je peux changer l'heure de Saint-Gervais, plus difficilement celle de toute l'Algérie. J'ai hâte de goûter à ce fameux couscoussou. Moi, j'ai plutôt envie de déguster une glace italienne chez ce tortonnier algérien sur la place. Voilà qui va te changer de ton pays. Je dois dire que je ne m'attendais pas à trouver tant de choses qui rappellent la France. As-tu vu le magnifique théâtre dans lequel je vais jouer ? Il ressemble comme 2 gouttes d'eau au théâtre des variétés. Cher monsieur, je suis ravi que vous ayez enfin accepté mon invitation. Vous avez dû être étonné de mon insistance. Colonel, je l'avoue, au début j'avais un peu de mal à concevoir qu'un saltimbanque à la retraite comme moi puisse servir les intérêts de la France. Pour certains de nos compatriotes, vous êtes un saltimbanque. Mais ici, celui qui fait usage de la magie est un demi-dieu. Voyez-vous, en bon disciple de Saint-Simon, je pense qu'on ne saurait conquérir un pays sans s'introduire dans les consciences. Et sur ce terrain-là, vous êtes assuré de battre les marabouts à plate couture. Et je ne sais si je serai à la hauteur, colonel, mais il me tarde de commencer. Parfait. Hélas, nous avons un contretemps. Une révolte vient d'éclater en Kabylie et le maréchal Randon est parti à la tête d'un corps expéditionnaire pour la soumettre. Les fêtes annuelles au cours desquelles vous deviez jouer seront donc reportées d'un mois. Êtes-vous en train de me dire que j'ai péniblement survécu à cette traversée pour repartir aussitôt ? Pas du tout. Nous avons un arrangement à vous proposer. Ce serait d'occuper ce temps libre à jouer au théâtre d'Alger 3 fois par semaine, sans aucun frais. Vous toucheriez l'intégralité des recettes. Naturellement, nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin. Comme vous le savez, un magicien n'a besoin que de ceci. Une baguette magique. Naturellement. Imagine-t-on un magicien sans baguette ? Ce n'est pas un simple accessoire, mon colonel. Je vous assure que c'est un objet doté de véritables pouvoirs magiques. Messieurs, je suis prête. Allez, je vous emmène dîner chez le gouverneur. Cette fleur dans les cheveux vous va ravir, chère madame. Attends, elle tombe un peu. Je vais te la remettre. Voilà. Merci. As-tu vu mon éventail ? Je l'avais à la main tout à l'heure. Ah, le voilà. Mais où est ma fleur ? J'ai plus ma fleur. Ah oui, c'est curieux. Je crois que c'est le colonel qui te l'a empruntée. Moi ? Ah mais oui, elle est à sa boutonnière. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Et mes décorations, où sont-elles ? Elles ont disparu. Eugène. Regardez, me voici colonel de l'armée française. Elles sont toutes sur son gilet. Comment avez-vous fait ça ? Vous comprenez désormais le pouvoir de la baguette, colonel. Pendant qu'on la regarde, les médailles peuvent tranquillement se transformer en roses et vice-versa. Robert Houdin commence ses représentations fin septembre 1856. La population européenne d'Alger, avide de divertissement, se précipite pour le voir. Le spectacle se compose des tours les plus célèbres du magicien, plus quelques-uns conçus spécifiquement pour le public arabe. Pendant ce temps, le maréchal Randon livre d'intenses combats en Kabylie, qui se solde par la mort d'environ 400 militaires français et de plusieurs milliers de Kabyles. Fin octobre, les troupes reviennent à Alger pour assister aux fêtes annuelles de la colonie. Le 28 octobre 1856, Robert Houdin se produit au théâtre d'Alger devant une assemblée exceptionnelle de hauts dignitaires arabes. Comme si Caïd et ses bachagas ont fière allure dans leurs manteaux rouges. Le colonel les a convoqués militairement, a-t-il dit. Autrement, il est persuadé qu'ils ne seraient jamais venus. On rapporte que ces hommes de nature indolente mettent bien au-dessus du plaisir d'un spectacle le bonheur de s'étendre sur une natte et de fumer en paix. Comme je les comprends, nos sièges si confortables ont l'air d'être pour eux un supplice. Ils essaient sans arrêt de replier leurs jambes en tailleur. Ah ! Voilà les interprètes qui se placent à côté d'eux. Tant mieux, car je ne parle guère plus de trois mots d'arabe. Voilà Randon, le préfet, et bien sûr, deux neveux qui courent partout. Sans nul doute, ces chefs arabes s'attendent à voir de véritables miracles. Leurs visages sont empreints d'une telle gravité. Rien à voir avec mon bon public de la rue de Valois qui venait tout sourire, comme au jardin d'acclimatation. Allez, je n'ai pas le choix. Ce soir, il faut frapper fort. Merci. Merci. D'après ce que vous venez de voir, vous devez m'attribuer un pouvoir surnaturel. Et vous avez raison. Je vais vous donner une nouvelle preuve de ma puissance merveilleuse en vous montrant que je peux enlever toute sa force à l'homme le plus robuste et la lui rendre à volonté. Que celui qui se croit assez fort pour subir cette épreuve s'approche de moi. Moi, je te défie de m'enlever ma force. Es-tu bien fort ? Oui. Es-tu sûr de rester toujours ainsi ? Toujours. Tu te trompes. Car en un instant, je vais t'enlever ta force et te rendre aussi faible qu'un enfant. Ça m'étonnerait. Soulève ce coffre. C'est tout ? Attends un peu. Maintenant, te voilà plus faible qu'une femme. Essaie maintenant de soulever le coffre. Par la tout-puissant, aide-moi ! C'est un jeune. Ce soir-là, le public du théâtre d'Alger n'est pas au bout de ses surprises. Après le tour du coffre, Robert Houdin exécute celui du fusillé vivant. Il demande à un spectateur dans le public de lui tirer dessus. Mais la balle vient se loger mystérieusement dans une pomme que le magicien tient dans la main. Puis vient le dernier tour. Robert Houdin demande à un jeune homme du public de monter sur une table avant de le recouvrir d'une toile. Lorsqu'il soulève la toile, le jeune homme a disparu. Aussitôt, la terreur s'empare du public. Les spectateurs courent vers la sortie dans la confusion la plus totale. Le 3 novembre 1856, Robert Houdin est reçu par le colonel de Neveu. Midi précise. Votre ponctualité est remarquable. La mosquée voisine de notre hôtel a une merveilleuse horloge qui m'a permis d'arriver à l'heure dite. Parfait. Asseyez-vous, je vous en prie. Si je vous ai fait venir, c'est d'abord pour vous rapporter les échos de votre triomphe en ville. On dit de moi que je suis un diable, un effroyable sorcier, j'imagine. De moins en moins. Voyez-vous, après l'effet extraordinaire que vous avez produit, il nous a paru nécessaire de tempérer un peu les choses. La terreur peut en effet produire l'effet inverse et augmenter la méfiance à notre encontre. Depuis 3 jours, les interprètes ont donc reçu l'ordre de dire à la population que vos miracles ne sont que le résultat d'une adresse que l'on nomme prestidigitation, et qui est bien supérieure au tour de passe-passe de leur marabout. À ce propos, j'aimerais beaucoup assister au tour de mes confrères. Qui sait, je ne suis pas à l'abri d'apprendre une technique nouvelle. Je vous le promets. Ah. Nous organiserons ça avant votre départ pour Médéa. Pour Médéa ? Je ne suis pas au courant. C'est une petite ville située dans les montagnes. Voyez-vous, il est essentiel que vous donniez quelques représentations dans l'intérieur du pays. À Alger, vous aviez un public facile, si je puis dire. À l'intérieur des terres, c'est autre chose. Je vous propose, sous bonne escorte bien sûr, de vous aventurer à la rencontre des tribus reculées. Voilà de quoi enflammer mon imagination. Ma femme sera enchantée d'une telle excursion. Elle qui ne rêve que de désert et d'Afrique. Parfait. Votre voyage durera une dizaine de jours. La première nuit, vous serez logé chez le capitaine Ritter, le chef du bureau arabe de Médéa. Ce fera un plaisir de vous servir de guide dans la région. Et maintenant, veuillez me suivre. Le colonel conduit Robert Houdin dans un magnifique salon où le magicien a la surprise de découvrir un groupe de chefs arabes qui l'attendent avec à la main une pancarte recouverte d'un texte en calligraphie arabe. Salam. Alaykoum salam. Alaykoum salam. À un marchand, on donne de l'or. À un guerrier, on offre des armes. À toi, Robert Houdin, nous te présentons un témoignage de notre admiration que tu pourras léguer à tes enfants. Quelle magnifique pancarte. La calligraphie est si belle. Pardonne-nous de t'offrir si peu, mais convient-il de donner la nacre à celui qui possède déjà la perle ? Messieurs, jamais aucun bravo, aucune louange ne m'est allée si droit au cœur. Voilà officiellement diplômé. Tenez, voici la traduction de la calligraphie. Vous la lirez à votre aise. Colonel, aussi vrai qu'Allah est grand, laisse-moi te dire le fond de ma pensée. Au lieu de faire tuer tes soldats pour soumettre les Kabyles, envoie ton marabout français chez les plus rebelles. Et donc un jour, il te les ramènera tous ici. C'est prévu. Il doit partir dans quelques jours pour Médéa. Dans ce cas, qu'il me fasse l'honneur de venir me visiter. Ma demeure est toute proche. Après l'honneur que vous venez de me faire, ce sera avec la plus grande joie. Le lendemain, Robert Houdin se rend dans une maison arabe pour assister à des tours donnés par des marabouts de la confrérie religieuse des Aïssawa. Devant l'assemblée, les marabouts broient du verre avec leurs dents, passent leur langue sur un fer rouge ou sautent sur le tranchant d'un sabre. Robert Houdin étudie avec attention les techniques de ses confrères locaux. Et quelques jours plus tard, comme prévu avec le colonel de Neveu, le magicien français et son épouse se mettent en route, à bord d'une diligence, pour Médéa, une petite ville des montagnes à 100 km d'Alger. Après une première nuit sur place, une escorte les conduit chez Boualem, le chef arabe rencontré à Alger qui les a invités chez lui. Mais la route est longue. J'ai l'impression qu'Olympe va s'évanouir. Je n'ai jamais vu un soleil aussi brûlant. Ça va faire bientôt 3 heures que nous sommes à cheval. Et pas un arbre à l'horizon. Pas la peine de demander au guide si la maison de Boualem est encore loin. À chaque fois, il répond que nous sommes bientôt arrivés. Tout à l'heure, la pente était si escarpée que j'ai bien cru que les chevaux allaient se briser les jambes. Comme la douceur d'Alger paraît loin. Sans nul doute, le peuple qui habite ces terres arides doit être extraordinairement endurci. Je ne serais pas étonné qu'il donne du fil à retordre au grand sorcier blond. Ah ! J'ai l'impression qu'il y a une maison au loin. À moins que ce ne soit un tour d'un djinn du désert. Ce pays est tellement fascinant que je suis à deux doigts de croire aux esprits. Soyez les bienvenus aux invités de Dieu. Cher Boualem, votre hospitalité nous va droit au cœur. Olympe ? Ça va ? Oui, tout va bien. Entrez, entrez, vous allez trouver un peu de fraîcheur. Vous pouvez faire boire les chevaux à l'arrière de la maison. Comme vous le savez, les maisons arabes n'ont pas de fenêtres à l'extérieur. Elles donnent toutes sur la cour pour se protéger du soleil. Aïcha, apporte-nous du café, brûlant. Est-ce possible d'avoir plutôt quelque chose de frais ? Tous les peuples du désert vous le diront. Quand il fait chaud, il faut boire chaud pour se désaltérer. Si nous pouvions boire de l'eau fraîche avec notre café brûlant, vous feriez de nous les plus heureux des invités. Et si vous fumez la pipe avec moi, je serai le plus heureux des hôtes. Venez. D'apparence modeste à l'extérieur, la maison de Boualem se révèle un véritable palais. Robert Houdin et Olympe admirent les murs couverts d'arabesques dorées et les divans revêtus de magnifiques étoffes en soie. Après avoir passé plusieurs heures à fumer et prendre le café dans le salon, nos invités se mettent enfin à table. Un potage. Je vais me régaler. Eugène, mais qu'est-ce qui te prend ? Veuillez excuser mon mari, ce potage a l'air délicieux. De l'eau, il lui faut de l'eau. Aïcha, apporte de l'eau. Tiens, Olympe. Merci. C'est curieux. Pourtant, Aïcha réussit la soupe au piment comme personne. C'est-à-dire que nous faisons un usage relativement limité du piment à Saint-Gervais. Heureusement, il y a un ragoût de mouton aux haricots qui arrive. Oh, pardonnez-moi, je crois qu'il y a un visiteur. Je reviens de suite. Oh, j'ai la bouche en feu. Fais comme moi, mange du pain, c'est la éponge. Il n'y a aucun goût, ce pain. Justement. Chers amis, un marabout que je connais est ici. Il a entendu parler de votre venue et souhaite rencontrer le grand sorcier blanc. Puis-je l'inviter à se joindre à nous ? Mais avec joie. Parfait, je vais le chercher. S'il a mis du piment dans le ragoût, ça promet. Eugène, prends sur toi. Voici Abderrahman, le chef d'une tribu voisine de la nôtre. Salam alaikum. Étranger, c'est un honneur pour moi de partager ton repas. Un ami de Boualem ne saurait être qu'un homme d'honneur. Et puis, nous sommes pour ainsi dire de la même confrérie. De la même confrérie, je ne pense pas. Pardon, je ne connais rien à vos confréries religieuses. Je voulais parler de la mienne, celle de la magie. J'avais compris. Mais je crois, moi, que tu n'es pas un sorcier. Tu as raison, car je ne crois pas non plus aux sorciers. Dans mon pays, on appelle mon art prestidigitation. Appelle ça comme tu veux. Pour moi, tu es un imposteur. Abderrahman, qui es-tu pour manquer de respect à mon hôte ? Ton hôte impressionne peut-être une poignée de dupes à Alger, vendue aux Français, mais moi, je ne crois pas à son pouvoir. Ah oui ? Et ce soir-là, crois-tu vraiment qu'il y avait 300 dupes dans la salle ? Tu insultes ton propre peuple. Ils ont très bien pu avoir une hallucination. Les Français les auront drogués avant de les faire entrer dans la salle. Ces chiens ne reculent devant rien pour asservir notre pays. Si c'était le cas, j'aimerais beaucoup connaître cette drogue. Elle simplifierait ma vie de magicien. Si tu es un sorcier comme tu le prétends, tu es donc invulnérable. Cela m'arrive, oui. Tu mens. Un sorcier est invulnérable tout le temps. Il y a un moyen très simple de le savoir. Abderrahman, pose ce pistolet. Si je te tire dessus, ne t'arrivera rien, n'est-ce pas ? Ne tirez pas. Mais arrête, tu es fou. Ne t'affole pas, Boualem. Je ne suis pas fou. Regarde, je le range. Je voulais simplement démasquer un imposteur. Tu n'as rien prouvé du tout. Tu as offensé Allah. C'est ton charlatan français qui offense Allah, en se prétendant son égal. Pourquoi ne peut-il pas refaire devant nous le tour où il se fait tirer dessus ? Tout simplement parce que sur scène, il a un complice ou bien l'arme est truquée. J'accepte ton défi. Tu acceptes que je te tire dessus ? Eugène, tu as perdu la tête ! Non, moi non plus, Olympe, je ne suis pas fou. Abderrahman, écoutez-moi. Pour être invulnérable, j'ai besoin d'un talisman. Mais je l'ai laissé à Alger. Tu me prends vraiment pour un imbécile. Attends. J'ai un moyen de compenser l'absence du talisman. C'est de rester toute la nuit en prière. Je te propose donc de nous retrouver demain matin à 8h et de me tirer dessus avec une arme que tu choisiras devant autant de témoins que tu voudras. Allons, allons. Personne ne va tirer sur personne. Abderrahman, nos hôtes sont fatigués. Il est temps de les laisser se coucher et de rentrer chez toi. J'accepte ta proposition. Quoi ? Entendu. Rendez-vous demain à 8h. Il n'en est pas question. Prie ton Dieu toute la nuit. Et demain, nous verrons s'il est plus grand qu'Allah. Bonne nuit. Eugène, tu es mon invité. Tu n'es pas obligé de le faire. Non seulement il n'est pas obligé, mais il ne le fera pas. Je suis venu dans ce pays défendre l'honneur de la magie française. Crois-tu que je vais me laisser humilier par un marabout de pacotille ? Tu préfères être tué et me laisser veuve avec deux enfants ? Boilem, j'ai une faveur à vous demander. Avant de mourir, j'aimerais goûter à ce ragoût de mouton. J'ai besoin de force pour ma nuit de prière. Alhamdulillah. Olympe a beau supplier son mari, rien n'y fait. Piqué au vif, Robert Houdin est bien décidé à relever le défi que lui a lancé le marabout. Le lendemain matin, il se présente à 8 heures précises devant la maison de Boualem. Toutes les tribus des environs sont venues au spectacle. Devant une foule compacte, Boualem s'approche et présente à Robert Houdin deux pistolets. Olympe, affolé, retient son souffle. Messieurs les témoins, approchez. Veuillez vérifier que les armes ne sont pas truquées. Abderrahmane, à ton tour. Je confirme, ce sont de vrais pistolets. Voici les balles. Je choisis celle-ci. Et je vous laisse vérifier que c'est une vraie balle. Oh, c'est une vraie. Bien, je la mets dans le pistolet, comme ceci. Messieurs, vous avez bien tout vu ? Nous avons tout vu. Ton sort est à présent entre les mains d'Allah, ou de ton Dieu. Eugène, je t'en supplie, ne fais pas ça. Tu n'as donc pas confiance en moi. Abderrahmane, c'est à toi. Tire ! Oh ! Voilà ! Il est mort ! Non ! Il est debout, la balle entre les dents. Eugène, tu n'as rien. On me donne l'autre pistolet. Tu n'as même pas réussi à me toucher. Maintenant, juge si mes coups sont plus redoutables que les tiens. N'ayez pas peur. Je vais tirer sur le mur. Oh, le mur est taché de sang. Mais quel homme est-ce donc ? Je ne croyais pas cet imposteur. Ça n'est pas du sang. Ah oui ? Eh bien, va goûter. Alors, Abderrahmane, est-ce du sang qu'il y a sur ce mur ? Oui. Bien. À présent, nous devons partir avant que le soleil ne soit trop haut. Faites sceller les chevaux ! Étranger, je ne te demande qu'une chose. Demande à ton Dieu de ne pas se venger sur ma famille. Sois tranquille. Mon Dieu, comme tu dis, a l'habitude des incroyants. Boualem, adieu. Adieu, chers amis, et soyez prudents. Eugène, c'est peut-être une bonne chose que tu partes. Je vais finir par douter moi-même de l'existence du prophète. Robert Houdin et Olympe partent au galop, laissant l'assistance dans une profonde stupeur. Les jours suivants, ils continuent leur périple dans le désert. Le miracle du sorcier épargné par les balles se répand dans les tribus et Robert Houdin inspire la crainte et la fascination. À la mi-novembre 1856, avec sa femme, il embarque à Alger pour la France. Terminé, le grand marabout blanc. Dans quelques jours, je serai redevenu l'illuminé de Saint-Gervais. J'ai hâte de retrouver ma terre natale. Quoique j'aurais pu ne jamais revenir. Je l'ai échappé belle le jour du duel. La veille, avec la cire de la bougie qui se trouvait dans ma chambre, j'avais fabriqué deux fausses balles. Le lendemain, pendant que je montrais la balle en plomb au spectateur, je l'ai remplacée par la balle en cire. Quand Abderrahmane a tiré, je n'ai eu qu'à ouvrir la bouche pour montrer la balle en plomb que je tenais entre mes dents. Pendant ce temps-là, je sortais de ma poche la deuxième balle que j'avais remplie de mon propre sang la veille. Le tour était risqué. Il aurait suffi qu'Abderrahmane ou n'importe qui change les balles au dernier moment. Mais il faut croire que pour Allah, mon heure n'était pas encore venue. Robert Houdin, un sorcier blanc en Algérie, de Marjorie Philibert, avec Robert Houdin, Bruno Pavio, Olympe, son épouse, Caroline Arouas, Jean, le jardinier, David Mandino, le colonel de Neveu, Christophe Vandevelde, Boualem, Kamel Abdelli, un marabout, Hossine Ben, le spectateur arabe, Selim Zarani. Bruitage, Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Antoine Vieussa et Titouan Oex, assistante à la réalisation, Sophie Pierre, réalisation, Cédric Ossir. Vous écoutez France Inter, Autant n'importe l'histoire. On reprend la discussion sur le magicien Robert Houdin dans quelques minutes avec mon invité François Bost. J'ai tant marché que mes pieds se sont brisés. Le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant d'années que mes pieds. Laura Cahen, Désarmée sur France Inter, Autant n'importe l'histoire, est réalisée par Anne Weinfeld, assistée d'Anna Massardier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Benjamin Troncin. François Bost, Robert Houdin, on peut dire, l'a échappé belle, là, dans ce duel en Algérie, cette mission. Le récit est très impressionnant. Alors, il est assez fidèle hein, par rapport au récit qu'en fait lui-même Robert Houdin. En fait, on a une chance incroyable à travers ce texte qui s'appelle Les Confidences d'un prestidigitateur d'avoir exactement comme un scénario. Il se met en scène de manière assez complaisante quand même. Est-ce que c'est fiable ce récit? Alors, c'est toute la question. Il y a Comme toujours, cher Robert Houdin, et notamment dans cet ouvrage, vous avez des faits parfaitement avérés, mais il y a des faits dont il arrondit des angles, on va dire. C'est un magicien. Hein. Peut-être, il dit, c'est un homme de scène aussi. Et puis, il y a aussi des faits inventés. Oui. Alors, après, c'est aussi pour ça que cette histoire m'a fasciné. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille épisodiquement, mais très régulièrement sur ce sujet. J'ai consulté un monceau d'archives à Paris, à Aix, notamment en Provence, où il y a énormément d'archives coloniales. Et on va retrouver évidemment des éléments, mais il y a aussi des éléments manquants. Ce qui ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé, oui. Mais les archives sont si lacunaires, et ce qui est aussi un problème. Donc on est toujours très fidèle à ce texte. Néanmoins, comme l'histoire de la magie commence à rentrer dans la vraie histoire, bah, il faut interroger les faits avec des méthodes qui sont celles de l'histoire, absolument, et donc se poser tout un certain nombre de questions. Alors ce récit est assez extraordinaire, effectivement, il est démarché trois fois de suite par le colonel de Neveu, qui est c'est pas n'importe qui, c'est le chef des bureaux arabes. Donc c'est une institution qui a été créée en 1839, qui est là pour faire l'interface entre la puissance coloniale et les populations indigènes. On a affaire à une élite sur le plan des officiers. Vous l'avez dit très bien tout à l'heure, comme le colonel de Neveu, pardon, qui est marié à une kabyle. D'ailleurs, la plupart ont fait souche, ont des familles donc mixtes, des couples mixtes. Et donc, ils connaissent très très bien les problèmes, et donc il y a des activités de police, des activités d'état civil, et ils sont là en fait pour pacifier, c'est ça. Alors pacifier, ça veut dire déjà leur renseignement. C'est d'abord du renseignement. Et effectivement, on est dans une seconde phase, c'est-à-dire après la colonisation d'un point de vue militaire, après la conquête qui se termine exactement en 1857. En fait, Robert Houdin arrive dans les derniers épisodes. D'ailleurs, le général maréchal Rondon, il était déjà maréchal à ce moment-là. Le maréchal Rondon, oui. Voilà, qui est donc gouverneur de l'Algérie, était parti en Kabylie, la fameuse guerre des Babors, et puis il va repartir après le départ de Robert Houdin, où là, ça sera la reddition complète de la Kabylie. C'est un épisode très sanglant, c'est un épisode très très dur, et c'est vrai qu'on a comme une parenthèse avec cet épisode assez fascinant. C'est incroyable que l'armée française fasse appel à un magicien pour venir pacifier. C'est très curieux, c'est tout à fait authentique, parfaitement avéré. En fait, c'est pas le maréchal Rondon qui l'a fait venir, c'est vraiment le colonel de Neveu, qui est le chef des bureaux arabes d'Alger, qui est un érudit et qui, 10 ans auparavant, en 1846, avait publié un ouvrage sur les confréries religieuses, notamment les Coins, qui est une de ses confréries qui utilise beaucoup donc le surnaturel. Et on voyait qu'il était très sensible à l'idée de toucher le public autrement que par des faits militaires. Et c'est comme ça, chemin faisant, qu'il a eu l'idée, parce qu'il était au courant, il recevait la presse de l'époque, il savait la renommée de Robert Houdin dans son théâtre. Et à trois reprises, il l'a sollicité, c'est tout à fait exact. Mmh. Et après avoir deux fois de suite refusé, Robert Houdin s'est laissé tenter. Ce qui était quand même un sacré défi, parce que on lui demandait de jouer sur le registre du merveilleux, qui n'est pas celui de la prestidigitation. La prestidigitation est dans l'étrange, c'est de la magie simulée, comme dit Robert Houdin. L'idée, c'est de faire croire à du surnaturel. Au départ, c'est ça. Sauf que, comme c'est très bien dit, je trouve, dans votre fiction, c'est dans un deuxième temps que l'on dit, notamment, c'est pour ça qu'il y avait des traducteurs dans le théâtre, de dire que c'est le produit d'une magie simulée. Donc c'était pas l'idée de les laisser dans le flou, dans le flou total. Est-ce que ce rôle qu'on a attribué à Robert Houdin a-t-il été utile pour justement pacifier, comme on dit, l'Algérie? Écoutez, c'est toute la grande question. D'abord, la confrérie des illusionnistes est convaincue que ça a eu un rôle. Mais en fait, quand on examine bien les choses, ce rôle fut sans doute très mineur. Il aurait fallu une action beaucoup plus longue, sur le temps long, hein, évidemment. Il aurait fallu toucher toute l'Algérie. Là, c'est une toute petite partie du territoire algérien qui est intéressée. En fait, il y a deux projets, à l'époque, en 1856, qui sont concurrents. Il y a le projet du colonel de Neveu, qui est de jouer, justement, pour sur les marabouts, qui enflammaient les esprits, justement, pour, on dirait, détruire cette influence. Oui. Et dans le même temps, et le maréchal Randon était plutôt favorable à cet autre projet du général Desvaux, qui était de creuser des puits artésiens dans tout le sud de l'Algérie, de façon à ce que, parce qu'on leur amenait l'eau, ces populations allaient eh bien, se consacrer à des travaux agricoles, à des travaux domestiques, plutôt que d'aller nourrir des mouvements fanatiques. Et ce projet a été couronné de succès, ce qui fait qu'il a un petit peu... fait oublier cet élément très particulier. En fait, ça relève de la guerre psychologique. C'était la première fois que l'on faisait usage appel de la guerre psychologique. C'est pour ça que ça s'est resté dans l'histoire, notamment dans l'histoire de militaire, comme étant un essai, on va dire ça comme cela, qui n'a pas forcément tourné comme on l'aurait voulu, mais tout à fait symptomatique. Alors pour en revenir à Robert Houdin et à ce fameux duel dans les montagnes, ce numéro du fusilier vivant, vous dites, il est très dangereux, qu'il aurait pu mourir. Hein. Absolument, c'est un grand classique qui n'était pas dans le programme un grand classique de Robert de la Houdin. Magie. Exactement, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il a eu l'idée parce que c'était tout à fait surprenant, parce que c'était un effet qui était pratiqué notamment par ce qu'il appelait les marabouts. En fait, le trucage est très bien expliqué, on reprend les données exactes de Robert Houdin, mais néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est un tour extrêmement dangereux. Et dans l'histoire de la magie, il y a déjà eu des morts. Bien sûr, il y a eu à peu près une dizaine d'artistes qui sont morts. Et donc, vous qui êtes magicien, vous j'imagine que vous ne l'avez pas essayé. Je ne suis pas amusé à faire, non. Pas de risque à ce point-là. Et François Bosse, la postérité de Robert Houdin, on l'a dit tout à l'heure, il a arrêté ses spectacles en 1850. Que va devenir son théâtre ? Alors, son théâtre va être repris par d'autres artistes. Et le dernier en date sera Georges Méliès. Georges Méliès, le cinéaste, enfin, réalisateur du film. Oui, tout à fait. C'est l'inventeur du cinéma. On dit souvent que les frères Lumière ont inventé le cinématographe. Et Georges Méliès a inventé le cinéma. En fait, c'est le premier à avoir eu l'idée absolument géniale de mettre des trucages. C'est pour ça qu'il est vraiment passé à la postérité. Il ne faut pas oublier que Méliès était illusionniste. Avant donc, d'être absolument. Réalisateur de Et donc films. Naturellement, il a vu tout l'intérêt que l'on pouvait tirer du cinéma. C'est pour ça que les grands réalisateurs de cinéma, notamment américains, adulent Georges Méliès, qui est ce précurseur absolument fabuleux dont on a pas loin de 500 films. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une filiation entre la magie de Robert Houdin et le cinéma, finalement, du moins ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma d'animation ? Pas vraiment, mais on va dire que dans un certain nombre de films de Méliès, il met en scène de la prestidigitation. Il n'a pas du tout oublié ses origines. Le théâtre de Robert Houdin sera complètement détruit en 1924 avec le percement d'une partie du boulevard Haussmann. Et Robert Houdin lui-même meurt en 1871. Merci beaucoup François Bost. C'est moi qui vous remercie. À lire sur le sujet, autour de Robert Houdin, un recueil d'articles sur le magicien sous la direction de Jean-Luc Muller aux éditions Proust, dans lequel justement on peut trouver un article de vous, François Bost. Et bien sûr, les confidences d'un prestidigitateur de Robert Houdin, édité chez Omnibus et chez Stock. À visiter bien sûr la Maison de la Magie à Blois, qui possède une salle dédiée à la mémoire de Robert Houdin, avec notamment l'exposition de deux exemplaires de pendules mystérieuses inventées par le magicien. Autant n'importe l'histoire, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous emmène à Rome, à la fin du XVIe siècle, à la rencontre d'un personnage fascinant, Michelangelo Merisi, dit le Caravage. L'homme, noceur et bagarreur, poursuivi à plusieurs reprises pour duel et meurtre, mais surtout l'artiste qui, dans les églises romaines, a révolutionné la peinture par sa technique du clair-obscur et qui, pour peindre la Madone, faisait poser des prostituées. Le Caravage ou le génie meurtrier, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.